François Morel, c'est à vous. Bonjour. Si ce matin je ne suis pas dans le studio avec vous, Nicolas, ce n'est sûrement pas, et vous vous en doutez bien, dans l'idée de prolonger mes vacances, de gratter un petit rabiot de farniente, vous vous en doutez bien. Vous m'imaginez avoir envie de proroger ce temps si vain consacré au spritz, à la pétanque, au jarnac, au scrabble, aux grasses matinées, à la baignade et à la pêche à pied, alors que la France me réclame, alors que la France entière, métropolitaine et ultramarine, attend ma parole comme un oracle. Non, certainement pas, trop de conscience, trop d'honnêteté intellectuelle, trop de rectitude morale m'empêcherait de céder à la facilité de la paresse, à la mollesse de l'inaction. Si j'ai eu besoin de m'éloigner encore un peu de l'agitation médiatique parisienne, c'est surtout pour arrêter de façon définitive, car il est temps, ma position concernant la prochaine élection présidentielle. Vous imaginez bien que depuis plusieurs semaines, alors que je suis allé à la rencontre des Français sur leur lieu de villégiature, les sollicitations, les suppliques, les implorations ont été nombreuses. C'est un gars comme vous qu'il faudrait à la tête de la France, me suis-je entendu dire plusieurs fois, tandis que je rapportais un plein seau de palourdes où, coup sur coup, venait de poser sur le plateau trois scrabbles enrichis d'X, d'Y, de Z, idéalement placés sur des mots compte triple. C'est un gars comme vous qu'il faudrait à la tête de la France. Ces paroles, monsieur Demorand, je les ai entendues. Je les ai pesées, je les ai jaugées. Devais-je décevoir tous les espoirs réunis sur ma personne? Devais-je déclencher tout un cortège de contrariétés, de regrets, d'amertume? Si au dernier moment, regimbant devant l'obstacle, je refusais ce rendez-vous décisif avec la France, avec les Français? Marchant sur le chemin des douaniers, longeant la mer, qui elle-même sourdement semblait s'interroger sur le cheminement de mon intime raisonnement, je me récitais la liste des candidats que, si je me résolvais à tenter de conquérir l'investiture suprême, je serais amené à combattre, auquel j'aurais à me mesurer, avec qui je devrais en découdre. Hélène Thuy, Jean Lassalle, Éric Zemmour, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Philippe Juvin, Éric Ciotti, Michel Barnier, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Denis Père, Sandrine Rousseau, Éric Piolle, Yannick Jadot, Jean-Marc Governatori, Delphine Bateau, Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo, Stéphane Le Foll, Philippe Poutou, Nathalie Herto, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, mon plombier chauvagiste, ma belle-sœur par alliance, et peut-être même, car il ne doute de rien, Emmanuel Macron. J'ai pensé qu'il n'était plus temps d'ajouter de la confusion à la confusion, de la désunion à la désunion, du chaos au chaos. J'ai donc décidé de ne pas me présenter à la présidentielle. J'entends la déception, je perçois la désillusion. Dès à présent, j'affirme ne pas abandonner le débat public en prenant date pour d'autres rendez-vous que je ne manquerai pas d'honorer. Par exemple, disons, même heure, même endroit, vendredi prochain. Merci. Ah, ben voilà, merci François Morel. On vous attend de pied ferme. France Inter.